Ce vendredi 29 avril à La Vie en BD, l'univers transmédia des chroniques de Melville avec Romain Renard, le talk show de Catherine Oslo et plus. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 pour parler 9e art, pour parler bande dessinée. Et on va décliner la bande dessinée en différents médiums, vers des applications en ligne, vers des spectacles, vers une trame sonore pour accompagner l'univers de Melville. Romain Renard, auteur de Belgique, était de passage à Québec à l'occasion du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. On a décidé de passer une demi-heure avec lui pour décortiquer un peu le travail de création et de construction de cet univers, l'univers de Melville. Alors, ce sera en deuxième moitié d'émission. Pour ce qui est de la première moitié, mais dans quelques instants, on aura le plaisir d'échanger avec Catherine Oslo, qui est un album très coloré, très visuellement intéressant, stimulant. Au niveau scénaristique, ben on se questionne sur l'humain, on se questionne sur l'absurdité de l'existence, sur le vide de sens. Alors, beaucoup de sujets fort riche avec autour desquels on discutera dans quelques instants. On passe aux actualités BD. On commence avec une nouvelle, ma foi, fort triste. Le dessinateur belge René Haussmann, qui est décédé jeudi 28 avril dernier à son domicile de Verviers, à l'âge de 80 ans. Il avait publié récemment Chlorophylle et le monstre des trois sources au Lombard sur un scénario de Jean-Luc Cornette. Un hommage au personnage de Chlorophylle, d'ailleurs, le héros créé en 1954 par Raymond Machereau. C'est d'ailleurs ce dernier qui avait aidé René Haussmann à rentrer chez Spirou, dont il devient en quelque sorte l'illustrateur animalier officiel dans les années 60. On lui doit, entre autres, le bestiaire pour lequel il illustra des centaines de fiches d'animaux. Côté bande dessinée, il est l'auteur, entre autres, de Saki, Saki et Zuni, de Lena, des Chasseurs de l'Aube, des Trois Cheveux Blancs avec Yann, ou encore de Capitaine Trèfle avec Pierre Dubois. Alors évidemment, c'est un des grands maîtres de la BD, un des anciens grands maîtres de la BD qui vient de s'éteindre. Nos sympathies, évidemment, à ses proches et à ceux qui ont eu l'honneur, le plaisir de le côtoyer. Dans un autre registre, petite mention au passage, on nous apprend du côté de Livre Hebdo que les ventes de livres neufs au Québec se sont contractées en 2015 de 2,7% par rapport à 2014 où la chute avait été violente à -10%. Les ventes totales de livres neufs sont tout point confondus, et bien continuent de baisser au Québec. D'après les données rendues publiques à la mi-avril par l'Observatoire de la culture et des communications, elles auraient subi donc une nouvelle baisse de 2,7%. Ça représente quand même une baisse additionnelle relativement importante. Parallèlement, on parle de cinéma, l'adaptation du côté du grand écran du Petit Spirou sera rendue, dévoilée, publique, réalisée en octobre 2017. Alors, on apprend quelques nouvelles sur le casting de tout ça. Alors, François Damien, Pierre Richard, Philippe Catherine figurent au casting de cette comédie tirée de des séries de Tom et de Jean-Ry. Après Les enfants de Timpelbach et Au bonheur des ogres, Nicolas Barry signe donc une nouvelle adaptation d'une œuvre pour enfants sur grand écran. Petit Spirou adapté de cette BD sur un long métrage, on l'appelle, en prise de vue réelle. Parallèlement, Casterman vient de lancer un magazine livre laissant carte blanche à des auteurs contemporains. Ça s'appelle Pandora. C'est aussi le prénom de la fille, d'ailleurs, de l'armateur Tadeo Grosvenor, qui n'a pas laissé Corto Maltese indifférent. Et surtout, c'est le nom d'une nouvelle revue consacrée à des récits autonomes, des short stories et des nouvelles sous forme de BD, mais aussi des textes littéraires illustrés. On nous dit que tous les sujets peuvent être abordés, tous les genres visités, tous les styles investis, créativité et plaisir qui sont prioritaires. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est Pandora? C'est un mensuel de 264 pages, format 18-24, et donc il est disponible sur le principe des MOOC, c'est des magazines livres qui sont distribués en librairie. On verra évidemment si on aura l'occasion au Québec de voir tout ça, mais le premier tome, en fait, on avait notamment Bastien Vivès, Alfred Blutsch, Joanne de Mort, Flore Dupré-Latour, Gothing, Katsuhiro Otomo, Art Spiegelman, Jean-Louis Tripp qui collaborent. aurait à tout ça. Le deuxième numéro sera publié en septembre prochain. Et enfin, dernière actualité, une réflexion, une controverse sur le web, Zootopie, le dernier film d'animation produit par Disney, a fait un véritable carton dans les salles et aurait-il été inspiré par une bande dessinée de 1964? C'est le quotidien suisse Le Temps et l'hebdomadaire français L'Obs qui interrogent de manière sérieusement cette hypothèse. Selon eux, l'histoire de Judy Hopps, cette enthousiaste lapine policière qui doit résoudre une affaire mystérieuse de disparition au cœur de la mégalopole Zootopia, rappellerait fortement Chaminou et le Compire, une bande dessinée du Belge Raymond Machereau, auteur de Chlorophylle, publié en 1964 dans Spirou. Dans celle-ci, Chaminou, chat détective de la police secrète du roi, enquête sur des cas de cannibalisme dans un univers exclusivement urbain. Alors, on met ça dans une pile de dossiers à suivre. En musique, cette semaine, la formation Warlord avec leur album Poké Nights. On en écoute un premier extrait. On passe maintenant du côté des éditions Mécanique Générale qui ont publié il y a quelques semaines de ça un livre qui s'appelle Talk Show, deuxième bande dessinée de Catherine Oslo. Et on a le plaisir de l'avoir avec nous au bout du fil pour parler justement de cet album. Catherine Oslo, bonjour. Bonjour. Alors, ben d'abord, en fait, si on avait à présenter Talk Show, est-ce qu'on mettrait de l'avant, d'abord et avant tout, l'idée que c'est au bout du compte une suite de conversations, d'échanges, à la limite, on pourrait dire aussi une suite de monologues qui s'entrecroisent? Oui, je pense que c'est certain qu'il y a beaucoup d'entrevues qui relèvent du Talk Show de Bruno, le personnage principal, mais c'est surtout à travers tout le livre, des dialogues, c'est qui m'intéressait le plus. Et oui, malheureusement, c'est un peu aussi des monologues, mais oui, définitivement. Oui. En fait, on a l'impression par moment justement que les personnages, et c'est un peu, on reviendra sur la nature de la bête, là, mais où les personnages finalement se parlent à eux-mêmes sous la guise de parler à quelqu'un d'autre. Donc finalement, c'est un peu l'idée qu'on aime émettre, mais qu'on n'aime pas nécessairement recevoir. Ou qu'on cherche pas à recevoir, à la limite, là. Ouais, il y a un peu de ça, puis il y a un peu aussi de... C'est un monologue, mais c'est pas un dialogue avec soi, par exemple. Tu sais, c'est pas... Il y a pas beaucoup d'insight, mettons, dans les monologues. Donc, c'est des gens qui ont l'impression de communiquer, mais qui, malheureusement, ça... C'est comme un peu, c'est une conversation, c'est une partie de ping-pong où si on se lance une balle, ben c'est beaucoup des conversations où la balle tombe toujours à côté puis elle est comme jamais ramassée. Et tout ça, justement, à travers Talk Show, ça devient un peu, j'aurais l'impression, vous me corrigerez ou non, ça devient un peu une réflexion sur la condition humaine, sur la solitude qui semble prendre une place de plus en plus importante dans notre société d'aujourd'hui. Ben moi c'est sûr qu'il y a vraiment l'aspect de solitude là qui découle de ça, puis c'est peut-être pour ça aussi qu'inconsciemment j'ai choisi un ours polaire pour animer le talk show. Ça accentue un peu l'effet de clash avec le reste de son univers, mais je pense que ce qui m'intéressait beaucoup aussi c'est d'explorer, c'est plus que de faire un commentaire sur ce qui se passe un peu en ce moment, c'est plus d'explorer notre façon de communiquer, puis comment des fois Je ne sais pas, avec les mots qu'on emploie, ce qu'on révèle de nous, ce qu'on révèle de nos conflits, ce qu'on n'arrive pas à voir, comment des fois, c'est ça, on aimerait être à l'écoute puis communiquer avec les autres, alors que dans le fond, c'est, on passe un peu à côté. Puis je l'explore, mais avec humour, tu sais, parce que c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Je me considère absolument pas au-dessus de ça, là, tu sais. Il y a plein de conversations de la vie de tous les jours là-dedans que je pense qu'on peut pas non plus y échapper, tu sais. C'est juste qu'en mettant une loupe dessus, ben, ça devient. En mettant une loupe dessus, dans le fond, ça le met en exergue, ça le met de l'avant et on est un peu omnibilé, entre guillemets, par cet aspect-là. Ben oui, c'est ça, oui. Et qu'est-ce que vous avez lancé sur cette piste-là et sur la piste de ce talk show, finalement, qui est votre deuxième album BD? Bon, vous avez participé à différents collectifs, mais album, le précédent remontait à 2006, d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, Nénette cherche un sens. Donc, il y a eu une longue pause où vous avez fait bien d'autres choses, évidemment. Mais donc, qu'est-ce que vous avez amené sur la piste talk show et ramené sur la piste de l'album? Ben, c'est tout plein de choses. Tu sais, pourquoi j'ai choisi un talk show? Parce que je pense que c'est vraiment un amalgame de plein de choses qui m'intéressent. Puis quand je travaille, je suis souvent seule à l'ordi, vu mon travail. Je fais du graphisme, du motion design, de l'illustration. Je suis souvent seule à l'ordi, puis j'écoute beaucoup d'entrevues en travaillant, énormément de podcasts, parce que juste avec la musique, à un moment donné, je trouve pas ça suffisant. Et donc je m'intéresse beaucoup aux entrevues, déjà. Et toutes sortes d'entrevues. Puis à un moment donné, j'avais découvert un animateur qui s'appelle Charlie Rose, qui est assez célèbre, un animateur américain, qui a son émission Charlie Rose sur PBS depuis des dizaines et des dizaines d'années, que je trouve fascinante, parce que c'est vraiment... J'avais deux invités sur un fond noir avec une grosse table en bois, puis that's it. Et ils discutent, et ça peut durer une heure. Une discussion avec un invité, ça peut durer 20 minutes. Et puis, lui interviewe toutes sortes de personnes, autant des prix Nobel que des artistes, que l'étendue est très, très vaste. Et donc, c'est assez fascinant. Puis j'ai commencé à me questionner, je pense, à cause de lui, sur la personnalité d'un animateur. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire d'absorber tout ça? Et puis, on est très, très intéressé dans ces questions. Tu sais, je le voyais récemment dans une entrevue qu'il avait faite avec David Bowie. Et puis, il riait, comme si les deux avaient grandi ensemble. Puis ça, alors, David Bowie faisait des blagues par rapport à une période à Berlin où il prenait de la drogue avec Iggy Pop, tu sais. Puis c'est quasiment comme si Charlie Rose était avec eux. Le lendemain, on peut le voir avec le prix Nobel de médecine, et puis il va avoir une discussion tout aussi intéressée. Tu sais. Puis je me suis vraiment demandé ce que ça pouvait faire à quelqu'un, c'est d'entrer en contact d'une façon aussi, je sais pas, qu'elle soit profonde, là, mais c'est intéressé puis sincère avec ses invités tout le temps. Tu sais. Et puis, je pense que c'est pour ça que ton talk show, puis il y a aussi la vie de Bruno à l'extérieur de son talk show. Puis c'est pas juste l'idée de faire une série d'entrevues puis de m'amuser avec ça, mais c'est aussi de voir, tu sais, Bruno, il y a un peu le contre-emploi aussi. Donc, dans le monde de télévisuel, puis tout ça, on s'imagine qu'il faut être assez go-getter pour arriver à survivre, puis la pression doit être gigantesque. Et puis Bruno, lui, il est plutôt profil bas, assez discret, tout ça. Donc, je sais pas. C'est plein de petites choses comme ça. Puis j'imagine, en fait, quand on met en parallèle des entrevues comme celle-là, par exemple, avec ce qu'on retrouve dans les grands médias où, dans le fond, on cherche à créer une intimité, mais une intimité qui est basée sur le vide plutôt que sur la substance. Puis c'est un peu, dans le fond, permettez-moi l'anglicisme, mais le clash dans lequel vous avez choisi de placer votre animateur, Bruno. Dans le fond, on lui dit, sois plus léger, sois plus grand public, plutôt que d'aller en profondeur. Mais la profondeur est nécessaire pour créer une vraie relation à un certain point. Ben oui, c'est ça, tu sais, puis lui, c'est ce qu'il aimerait faire, c'est vraiment son rêve. En même temps, il peut pas trop parce que son patron met énormément de pression pour faire de lui quelqu'un qui ressemble plus à, ben, qui lui ressemble pas, en fait, qui serait peut-être plus dans les cordes d'Éric Salvaille ou tout ça. Et donc, Bruno, il se ramasse à essayer de danser quelque chose avec les invités qu'on comprend pas trop. Puis en même temps, j'ai l'impression que ses invités lui reflètent un peu tout, parce que je trouve qu'il y a aussi une dimension de non, puis il va falloir qu'il fasse peut-être un changement éventuellement. Mm-hmm. Enfin, on est dans une quête de sens, dans une quête de direction, dans un inconfort autour duquel on n'arrive pas à saisir la nature de cet inconfort-là, puis comment le corriger au bout du compte. Ben c'est ça. Et puis j'ai l'impression aussi que chacun, je me suis vraiment rendu compte à la fin, tu sais, je trouvais que l'idée du changement, c'est une idée qui parcourait un peu l'idée, pas l'idée, mais tout le livre. Et puis j'ai presque l'impression que chacun des invités représente une partie de Bruno, mais aussi un genre de défense qu'a Bruno pour pas se regarder, parce que c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection. Et puis puis j'ai l'impression que chacun de ses invités représente une partie de lui ou essaie de lui montrer quelque chose, je sais pas. Oui, puis avec un côté peut-être un peu, on parlait de la loupe, un côté un peu magnifié aussi dans un certain côté surréaliste pour certains ouais. moments, certains passages. On parlait d'humour tantôt, mais l'humour s'exprime aussi beaucoup là-dedans, dans des propos qui vont partout et vont nulle part en même temps, qui ont un côté profondément absurde par moments. Ouais, des fois c'est un peu absurde. Mais déjà, j'imagine que l'idée, en fait, il y a un peu le dialogue, les mots, il y a l'ours aussi. Bon, évidemment Bruno, l'animateur, et derrière lui, il y a des décors aussi, des séquences, des moments qui sont très chargés au niveau visuel, tout en mouvement presque, on pourrait avoir l'impression, qui viennent accentuer aussi un côté surréaliste, par exemple à certains moments. Oui, ben ça c'est vraiment. J'ai vraiment décidé d'aborder chaque scène avec le plus de plaisir possible. Tu sais, puis le talk show pour moi, ça se prêtait tellement bien à ça parce que, tu sais, dans la vraie vie, il n'y a pas un changement de décor pour chaque invité, mais dans mon livre, évidemment, je pouvais le faire. Puis je trouvais ça vraiment, je sais pas, très stimulant d'inventer plusieurs décors comme ça. Puis j'avais beaucoup de plaisir à jouer avec les couleurs, puis changer, puis essayer de trouver quelque chose de différent d'une scène à l'autre. Oui, en fait, on sent l'exploration aussi avec des séquences justement très colorées, d'autres très noires, avec un peu d'éclairage fluo, on se retrouve dans les bars. Il y a beaucoup un gros jeu de design, finalement, d'une certaine manière, à l'intérieur de cet album-là, on pourrait dire. Ben oui, c'est pas comme ça. Ma première version était beaucoup plus avait un cadre beaucoup plus conventionnel, puis réaliste, puis tout ça. Tu sais, je m'étais vraiment donnée dans l'idée de faire quelque chose de plus classique. Puis ça marchait pas trop. J'avais pas de plaisir à le faire. C'était un peu tout croche, c'était un peu maladroit. Puis quand j'ai repris le livre avec vraiment l'intention de le terminer, ben je me suis dit que j'allais juste laisser aller cette idée-là de faire quelque chose qui me ressemblait pas, puis y aller plus dans quelque chose de peut-être un petit peu plus expérimental. Oui, en fait, d'essayer d'oser, dans le fond, de s'émanciper des codes, même au niveau, par exemple, des séquences de dialogue, ben on n'y va pas case par case, segment par segment. C'est, dans le fond, les gens qui sont en bas, on contextualise de manière générale le dialogue, mais dans le fond, on suit les bulles qui sont colorées, on propose des parcours, on joue un peu avec la structure même des planches classiques, entre guillemets. Ben oui, c'est pas intentionnel, tu sais, c'est vraiment c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, tu sais, parce que j'admire beaucoup plusieurs bandes dessinées qui sont plus classiques, tout ça dans la forme, mais je maîtrise pas très bien. Donc, j'ai vraiment, au lieu d'essayer de faire des choses un peu maladroites, j'ai vraiment juste décidé d'y aller avec ce qui me semblait le plus naturel pour moi. Et là, on en parle évidemment, mais je pense que j'incite fortement les gens pour bien saisir, enfin, en librairie, de prendre un petit temps pour feuilleter le livre. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et parallèlement, il y a des séquences aussi où j'ai l'impression, je pense à une séquence d'entrevue où vous avez placé vos personnages en tout petit, dans une immense page blanche. Ça donne une ambiance assez particulière aussi à la conversation. Au monologue de l'invité qui va un peu nulle part aussi, mais juste de choisir de le contextualiser comme ça, on dirait que ça, comme lecteur, Ça change un peu l'esprit de la lecture. Ben oui, cette entrevue-là en particulier, tu sais, pour moi, la question, en fait, c'est une entrevue que Bruno fait avec un philosophe qui est très, très âgé. Et puis, puis c'est absurde, vois-tu, mais en même temps, ça l'est pas tant que ça, je trouve, parce que la question qui se pose, puis là, je sais pas jusqu'à est-ce qu'on peut la dire, parce que c'est... en fait, je trouve que c'est une question que moi, je me suis posée, puis que je me pose encore, tu sais, et puis que je pense que Bruno aurait aussi envie de se poser. Puis en mettant des personnages aussi petits, je trouvais que ça augmentait, ben déjà, je trouvais ça plus drôle, et puis ça augmentait tout le côté un peu précieux de cette question-là. T'sais. En même temps, on s'attend à une question incroyable, alors que dans le fond, elle est tout à fait banale, je trouve, et commune. Et est-ce qu'une continuité, on pourrait dire, entre l'album de 2006, Nénette cherche un sens, et le talk show de 2016? Ben, en le faisant, je ne l'ai pas vu du tout, puis mais maintenant, une fois que c'est fait, puis avec les commentaires que j'ai, tu sais, dans l'album de Nénette, il y avait vraiment aussi quelque chose par rapport au thème de la solitude qui émanait de ce livre-là. Puis je pensais pas du tout que ça allait être le cas avec celui-ci, puis ben on dirait que j'en parle encore. Donc c'est peut-être que dans ce sens-là, c'est dans la continuité. Sauf que dans Nénette, par contre, il y a très peu de texte. Et là, dans celui-ci, c'est à l'inverse complètement. Donc, On sent les 10 ans qui ont passé aussi, peut-être, dans le désir d'expérimenter ou dans les directions par lesquelles vous avez choisi d'expérimenter. Ben, c'est sûr que c'est ça. Nénette, c'était un premier livre, donc avec sa naïveté, puis ses qualités, puis ses défauts, vraiment aussi. Et puis, là, maintenant, je suis ailleurs, pas pour dire que mon livre est... Pas pour dire que Talk Show est parfait, vraiment, vraiment pas, mais... C'est sûr que, ben, comme vous dites, il y a 10 ans qui se sont découverts, donc mon travail s'est vraiment transformé, ça, c'est ça. Et en terminant, en fait, on a mentionné l'élément personnage animalier, ours polaire, bon, évidemment pour accentuer la solitude, et j'imagine aussi pour, en fait, le fait que ce soit le seul personnage animalier de cet univers-là, au-delà de l'idée de l'ours, l'idée de l'animal, l'idée de la différence, est-ce que c'est une volonté aussi de l'isoler un peu plus dans le contexte de l'ouvrage? Ben, encore, inconsciemment, oui. Tu sais, moi, j'ai choisi Bruno juste parce que quand j'ai commencé à faire le livre, tu sais, la première question, c'est vraiment qui va animer mon talk show. Et puis, Bruno, c'était un personnage sur lequel je travaillais quand je travaillais avec Nénette. J'avais fait plusieurs images à la suite, tu sais. J'avais continué à travailler sur elle. Et puis, il y avait Bruno qui était là, puis que j'aimais beaucoup, puis que j'avais pas envie de laisser tomber, tu sais. Et puis, ça s'est vraiment fait comme un choix naturel de le mettre là. Je le trouvais intéressant, je trouvais qu'il fitait bien. Mais après, j'ai pas mis d'autres animaux, mais j'ai mis Pilipitchi à la fin, qui est pas du tout un animal, mais qui a une tête, qui est un peu, qui a une forme humaine, mettons, particulière. Oui, c'est particulière, c'est bon. Mais oui, donc c'est pas, j'ai pas eu envie de mettre des animaux, puis me dire non, j'en mets pas pour accentuer cet effet-là. C'est juste, tu sais, c'est encore fait d'une façon vraiment instinctive, naturelle. Bruno, ça va être le seul animal. Ouais. Et on peut découvrir justement cet univers-là, je le rappelle, dans votre talk show. Catherine Oslo, merci beaucoup. Un gros merci à vous. Au plaisir. Au plaisir. Alors, je rappelle donc Talk Show, album qui est disponible du côté des éditions Mécanique Générale. Je prends quelques instants ici à la vie en BD pour vous mentionner au passage, en fait, deuxième tome de Chisa Kobe chez Lézard Noir, qui a été publié tout récemment. Pour les auditeurs réguliers, vous savez que j'avais beaucoup apprécié le premier tome. Évidemment, on se retrouvait dans une situation où un homme... en construction de lui-même encore, doit revenir à la maison après le décès de ses parents, après la destruction du chantier phare de sa famille. C'est un homme qui s'exprime très peu, qui semble peu confortable avec lui, qui s'est créé à travers son faciès, des cheveux très longs, une barbe immense, une barrière avec la société qui l'entoure. Il se retrouve à élever de nombreux enfants orphelins qu'il n'ose pas renvoyer. Il décide de les garder